Bosco d'Ouimana. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La Commission épiscopale catholique Justice et Paix Burundi annonce sa participation à l'observation des élections en 2025 et en 2027 et souhaite que les prochains scrutins soient caractérisés par la transparence. Le 9 octobre de chaque année, c'est la journée mondiale de la poste. Au Burundi, la Régie nationale des postes fait face au manque de courant électrique dans certaines de ses agences. Les trois juges du tribunal de grande instance de Bururi restent toujours en détention malgré leur acquittement depuis plus de mois par la Cour suprême. Nous appellerons notre correspondant. La chronique parle, rassure-moi, de ce mercredi et centrée sur des messages attisant la haine lors des réunions cachées et nocturnes. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le manque de courant électrique dans certains bureaux postaux et la vitesse de la distribution des envois qui reste à améliorer sont certains défis auxquels fait face aujourd'hui la Régie nationale des postes. Malgré cela, l'assistant du ministre de la Communication, Thierry Kitamoya, a fait savoir que la digitalisation a permis l'amélioration des services pour les clients de la poste. Cette déclaration a été faite ce 9 octobre, journée mondiale de la poste. Suivez-le. La Régie nationale des postes a réalisé beaucoup de choses pour bien servir ses clients et parmi les réalisations enregistrées, on peut citer la digitalisation des services postaux. Ici, je parle de l'exploitation, acheminement et distribution des colis et des envois de la poste aux lettres, l'informatisation et l'interconnexion de tous les guichets et agences de la Régie nationale des postes, la modernisation des moyens de paiement, la contribution à l'inclusion financière de la population et la dotation et acquisition d'un scanner à bagages. Cependant, même si la Régie nationale des postes a réalisé beaucoup de travaux, des défis ne manquent pas. Il s'agit notamment du problème d'accès à l'énergie, la diminution du volume des envois de la poste aux lettres suite à la substitution électronique, la vitesse de distribution des envois qui reste à améliorer, une concurrence intense ainsi que l'augmentation des coûts. Dans sa vision du Burundi pays émergent à l'horizon 2040 et pays développé en 2060, le Burundi préconise que la poste du Burundi ait un accès suffisant à l'Internet pour faciliter la communication en s'assurant que tous ses bureaux jouissent d'un accès à des outils et des technologies abordables et à la pointe du progrès. Pour arriver à cette vision, la Régie nationale des postes doit s'engager à l'installation d'un système d'adressage et code postal pour concrétiser la distribution d'envois à domicile, la redéfinition de la philatélie burundaise pour rendre très compétitif le timbre post-philatélique du Burundi et enfin l'accomplissement du partenariat avec le secteur bancaire et financier à travers la société B-Switch en vue de participer à l'interopérabilité bancaire. L'assistant du ministre de la Communication, Thierry Kitamoya, dans sa déclaration faite ce mercredi 9 octobre, journée mondiale de la Poste. La Commission épiscopale catholique Justice et Paix Burundi compte participer à l'observation électorale aussi bien en 2025 qu'en 2027. Cette annonce a été faite ce mercredi par Abbé Charles Carolero, secrétaire exécutif de cette commission, dans un atelier qu'elle a organisé à l'intention des gouverneurs de Provence et des représentants de la commission Justice et Paix dans les diocèses. Et c'est sur le projet intitulé « Accompagnement du processus électoral de 2025 et 2027 à travers le renforcement d'une culture de respect des droits civils et politiques des Burundais ». Le secrétaire exécutif de la CJP Burundi appelle les autorités du pays et les démembrements de la CENI à faire preuve de transparence. Suivez Abbé Charles Carolero. Cet atelier veut montrer au public, à travers ceux et celles qui sont venus ici, ce que nous allons faire comme activité d'accompagnement de la population à l'acquisition d'une culture de paix, d'une culture de tolérance, d'une culture de droit. Mais quand on parle de droit, on parle aussi de devoir en amont. Et donc, ce que nous visons, c'est l'accompagnement de la population en général, mais en particulier les jeunes, les femmes et les personnes porteuses d'handicap, pour que toutes ces catégories se sentent partie prenante de la vie du pays, qu'ils se sentent à part entière responsables de la vie, mais aussi de leurs droits, de leur liberté, mais et aussi de leurs devoirs. Partout où il y a l'homme, il y a toujours une tendance à l'égoïsme. Voilà l'origine de ces chicaneries. Ce que nous voulons, c'est que toutes les personnes impliquées dans la gestion non seulement du pays, mais aussi la gestion du processus électoral, de mettre en avant les intérêts de la population, les intérêts du pays, et de chercher toujours à être transparent dans la gestion du processus électoral. Quand on dit transparent, on veut dire que tout le monde sait, tout le monde voit et tout le monde suit aussi. La commission a été mandatée par l'Église catholique pour suivre de près le processus électoral. Nous allons commencer par une observation à long terme en amont du respect des droits civils et politiques. Nous allons faire ensuite une observation des élections en bonne et due forme. Et puis, nous allons accompagner après alors les élus qui seront nouvellement appelés à la gestion du pays. Abbé Charles Carolero, secrétaire exécutif de la Commission épiscopale catholique Justice et Paix Burundi. Le retard dans la distribution des engrais organominéraux subventionnés par le gouvernement burundais perturbe les activités agricoles dans les provinces de Kayanza et Ngozi, ce qui entraîne la diminution de la production. Certains agriculteurs signalent qu'en ce moment, ils utilisent la quantité réservée lors de la précédente saison culturelle, alors qu'ils avaient déjà payé des avances pour cette saison. Ils souhaitent que la distribution des engrais pour la saison culturelle A s'organise à partir du mois d'août. La direction provinciale de l'agriculture et élevage de Ngozi précise que les engrais sont disponibles et à Kayanza, le gouverneur signale le manque d'engrais de type urée et dolomie. Jean-Marie Mayonga. Ce sont les agriculteurs des provinces Ngozi et Kayanza qui expliquent que le retard dans la distribution des engrais chimiques désarçonne leurs activités agricoles, ce qui fait que la production diminue. Nous avons déjà payé l'avance, on attendait un mois pour voir s'il y a un message à nous donner. Si on ne dit rien, nous allons leur demander encore. J'ai déjà cultivé, mais je n'ai pas encore eu les engrais en suffisance. J'ai utilisé la quantité restante à celle utilisée l'année passée. Concernant l'engrais chimique et le fumier organique, je ne les ai pas encore, mais je m'y prépare toujours. L'engrais chimique acheté a été déjà utilisé dans les cultures d'eau marée. On attendait les engrais pour la saison A. La quantité gardée chez nous a été insuffisante pour ceux qui ont des grands espaces à cultiver. Il demande que des engrais chimiques d'être distribués à temps soient effectifs et souhaite que le gouvernement facilite les agriculteurs qui n'ont pas de moyens pour acheter un sac de 25 kg de les autoriser à acheter une quantité entre 2 et 5 kg. Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures autorisant l'agriculteur d'acheter 5 à 10 kg pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un sac de 25 kg. Nous demandons qu'ils prennent des mesures pour que les engrais chimiques nous parviennent au mois d'août et septembre. La direction provinciale de l'agriculture et élevage dans la province de Ngozi, Emile Kugimana, précise que les engrais chimiques sont disponibles dans les zones. Concernant la disponibilité des engrais organominéraux, nous nous sommes bien préparés parce qu'à l'heure où on parle, on est en train de les transporter vers les stocks. Colonel Rémi Chishahayo, gouverneur de la province Kayanza, signale que dans sa province, il n'y a pas de problème en rapport avec les engrais chimiques, mais indique qu'il manque l'engrais de type urée et dolomie. Les agriculteurs de ces provinces disent que les engrais fabriqués par FOMI sont utilisés en accompagnement avec les fumiers organiques fabriqués eux-mêmes dans leur ménage, ce qui augmente le rendement agricole. Vous ratez l'essentiel. Les effectifs élevés des enfants refoulés de la Tanzanie dépassent la capacité d'accueil de la Fondation STAM, qui est de 30 enfants. Propos d'Adélaïde Ngonzimana, actrice dans cette ONG locale, œuvrant pour le bien-être des enfants, qui indique que ses effectifs ont commencé à augmenter le mois de septembre dernier. À côté de ses effectifs, David Ndengedje, directeur du Centre pour le développement familial et social en province Makamba, ajoute que ses enfants arrivent avec des besoins d'assistance de premier secours. Omer Douayo. Cela sont des agents actuellement chargés de l'accueil des enfants refoulés en Tanzanie, basés dans la commune Mabanda, qui demandent du soutien financier et autres. En expliquant qu'ils sont débordés par les effectifs des enfants, ils y partent de la prise en charge du premier secours à ces enfants, notamment l'appui vestimentaire, du moment qu'ils y sont refoulés après avoir subi des violences et de la confiscation de leurs biens. Une situation souvent conflictuelle entre les éco-gardes qui les traquent et la police qui les accueille à la prison suite à la violation du bien-être de l'enfant, témoignent ces enfants. Arrivés au chef-lieu du district Kasulu, à la prison, les policiers ont constaté notre état de santé. Ils ont recommandé l'équipe d'éco-gardes qui nous y a cheminés de ne plus maltraiter les enfants de notre âge. Les policiers nous ont intimé l'ordre de retourner chez nous au Burundi. Mais la personne qui nous conduisait a été autorisée de continuer le voyage. L'état pitoyable de ces enfants, aller-retour, avec les plaies sur leur corps, crée un sentiment d'indignation chez les gens qui les aperçoivent. L'état de santé de ces enfants refoulés en Tanzanie est vraiment déplorable. C'est une situation qui me choque puisque je ne vois pas leur avenir. C'est triste, la façon dont ces enfants sont traités en Tanzanie. Le gouvernement devrait soutenir les familles à faible revenu pour freiner le mouvement de ces enfants vers la Tanzanie. Même son de cloche pour les responsables qui les accueillent à la frontière. Adélaïde Ngonzimana, de la famille d'accueil et membre de la Fondation STAM en charge de défense des droits de l'enfant, appelle au gouvernement tanzanien à intervenir en priorisant l'intérêt supérieur de l'enfant. Notre fondation a une capacité d'accueil de 25 à 30 enfants. Mais ces jours-ci, nous sommes dépassés par les effectifs d'enfants refoulés de la Tanzanie. Nous leur préparons à manger. Ils viennent sans habits et certains d'entre eux présentent des signes de violence physique. Nous leur assurons les premiers secours. Les effectifs ont commencé à augmenter en septembre de cette année où nous avons accueilli plus de 100 enfants. Nous interpellons le gouvernement tanzanien à intervenir en promouvant l'intérêt supérieur de l'enfant. La réinsertion de ces enfants dans leurs familles respectives est assurée d'une part par les centres d'accueil ou par les familles de ces enfants, d'autre part, comme l'indique David Ndengeje, directeur de développement familial et social à Makamba. Il est possible que ce soit par là que se termine l'appui de ces responsables d'accueil à ces enfants. Nous recevons souvent des enfants qui proviennent de la Tanzanie, chassés, et ces enfants là, nous les accueillons toujours à la frontière Mugina. Le mois d'août, nous avons déjà accueilli plus de 135 enfants. Ces enfants sont vraiment menacés. Après être chassés, ils regagnent la frontière et ils arrivent en commune Mabanda. Quand nous les accueillons ici, je me mets en contact avec les partenaires qui œuvrent dans la protection de l'enfant ici en province Makamba. Après avoir eu l'opportunité de nous mettre en contact avec les partenaires et l'administration provinciale, nous faisons tout moyen pour que ces enfants-là puissent arriver dans leurs familles respectives. Dans même cas de la Ngonzimana de la Fondation STAM, son directeur conseille aux familles de dépasser la pauvreté dans laquelle elles croupissent afin de veiller à leurs enfants, les intégrant plutôt dans des écoles que les laisser partir en Tanzanie. Omer Douayo. Nouvelle des provinces à présent, trois juges du tribunal de grande instance de Bururi restent toujours en détention à la prison de Bururi alors qu'ils ont été acquittés depuis plus de mois par la Cour suprême. Ces juges étaient poursuivis par le ministère public pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Leur avocat conseille Maître Emmanuel Nzobonima déplore cet emprisonnement illégal de ses clients qui devraient normalement être libérés après leur acquittement. Zénon Nzambimana pour d'autres précisions. Leona Ninzigimana, Irene Mukeshimana et Antoine Ngendakumana, tous jugés du tribunal de grande instance de Bururi, sont toujours dans la prison de Bururi alors qu'ils ont été acquittés depuis le 30 août de cette année par la Cour suprême. Selon les sources judiciaires à Bururi, cette Cour a confirmé la décision de la Cour d'appel de Bururi du 22 mars 2024 qui avait également blanchi ses juges poursuivis par le ministère public pour complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. L'avocat de ces juges déplore leur emprisonnement illégal. Selon lui, les acquittements devraient être légalement exécutés immédiatement, nonobstant les recours éventuels. Maître Emmanuel Nzobonima dit qu'il ne reste que le pourvoi en cassation, mais cela n'est pas suspensif et d'exécution, raison pour laquelle le procureur général n'a aucune latitude légale de garder ces juges en prison. Toutefois, Emmanuel Nzobonima dit qu'il espère leur élargissement, comme il a récemment demandé. À ce sujet, nous avons voulu joindre le procureur général près de la Cour d'appel de Bururi et le procureur général de la République, mais sans succès. Ces trois juges du tribunal de grande instance de Bururi sont emprisonnés dans cette maison de détention de Bururi depuis le 16 août 2023, après qu'ils aient décidé la libération provisoire de 8 détenus de la prison de Rumonge, poursuivis pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État au mois de mai de l'année écoulée en commune de Bururi, où on a parlé de assassinat à la machette. Depuis Bururi, Zenon Abimara pour la Radio Isanganiro. Merci Zenon. Des échauffourées ont éclaté ce mercredi matin entre les militaires du camp de Mudugu et la population qui était contrainte de quitter les terrains en conflit. Beaucoup de tirs de dissuasion ont été entendus. Le représentant du camp avait interdit à cette population de continuer à exploiter ces terrains. Mais cette population, de son côté, a déclaré qu'elle va libérer ses propriétés lorsque l'État leur aura donné d'autres terrains en échange, ce qui se trouve dans un rapport d'une commission mixte composée de trois ministères. Spes Caritas, Kabanyana. Ce mercredi matin, les habitants de Mudugu ont été réveillés par des tirs. Et c'était les militaires qui chassaient par des tirs de dissuasion les cultivateurs d'un des terrains en conflit entre le camp militaire de Mudugu et la population environnante. Même ce mardi, tous les cultivateurs qui étaient dans ces propriétés ont été conduits au camp et relâchés par après, selon des témoins sur place à Mudugu. Le commandant chef de ce camp de Mudugu a sorti un communiqué il y a 2 mois demandant à ces populations de ne plus exercer aucune activité dans ces terrains et de faire enregistrer les repas de terre qu'ils exploitent auprès des responsables du camp. Cela n'a pas été fait selon ces populations qui disent qu'ils vont continuer à exploiter leur propriété comme ils le disent aussi longtemps que l'État n'a pas encore donné d'autres terrains pour déménager. Dans un rapport sorti par une commission mixte composée de 3 ministères, celui de l'Intérieur, celui de la Défense nationale et celui ayant en charge de l'agriculture et de l'élevage, il a été proposé que ces populations qui ont bénéficié des terres à cet endroit soient délocalisées et indemnisées conformément à la réglementation en vigueur. Et pour ceux qui ont illégalement occupé ces terrains, ils doivent les libérer sans condition après avoir récolté leurs champs. C'est dans cet écrit que le ministre de l'Intérieur a envoyé au gouverneur de Bubanza au mois de février l'année passée. Ces terrains en conflit se compte à plus de 1000 hectares sur les collines de Rugunga, Mudugu, Kagwema, Gihungwe et Chimbizi. Et les exploitants se comptent à 1500 ménages selon les représentants de ces populations. Spescaitas Kavanyana à Mudugu pour la radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. La chronique parlera sûrement de ce mercredi et centrée sur des messages attisant la haine lors des réunions cachées et nocturnes. Ceux qui n'y ont pas participé peuvent développer des soupçons, témoignent des habitants de la commune Nyamurenza en province Ngozi, évoquant surtout les périodes préélectorales. De son côté, Tarsis Bimenyimana, sociologue, affirme que de telles réunions aboutissent à des violences dans les communautés. Les détails avec Mireille Kanyang. Ces habitants de la commune Nyamurenza affirment avoir entendu, non loin de chez eux, des réunions tenues en cachette, ce qui éveille des soupçons chez ceux qui n'y ont pas participé et que cela peut pousser les communautés à se diviser, surtout en période préélectorale. Durant cette période, le groupe qui a initié ces réunions ne veut pas que le déroulement puisse être connu des autres, dit Tarsis Bimenyimana, sociologue. Burundi, c'est des réunions qui peuvent susciter des exhibition dans ces jours, surtout puisque nous approchons des élections. Vous entendez ici et là, surtout dans les réseaux sociaux, bien que nous n'ayons pas des preuves qui montrent que réellement il y a des réunions en cachette. Dans ces jours, ces réunions, ça se dit, et ce n'est pas maintenant dans cette période, mais dans les temps anciens. Quand nous approchons les moments cruciaux des élections, il se fait toujours ou il se dit toujours qu'il y a des réunions où tel groupe a été attrapé en réunion de cachette. C'est ce que tout le monde pense. Si il y a une réunion en cachette, tu ne sais pas ce qui se dit là-bas. C'est ce que tu peux imaginer. Selon toujours cet expert des violences dont les communautés peuvent s'en suivre. Si tu vois que ces choses ne puissent pas être portées ou connu par tout le monde, c'est que ces choses peuvent avoir des impacts négatifs sur la société. Voilà, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est surtout du côté politique. Si c'est un groupe qui s'engage à faire des réunions en cachette, c'est que peut-être il voit que la permission peut lui être difficile à être acquise. De son côté, Jérôme Ndeishimiye, secrétaire exécutif et permanent de cette commune, indique que l'administration communale cherche un terrain d'entente pour que ces réunions aux conséquences fâcheuses ne se reproduisent plus. Si il y a une certaine réunion qui se tient en clandestinité et qu'on parvient à en avoir une information donnée sur sa tenue, on essaie de s'approcher du représentant du parti au niveau de la commune. Alors, d'abord, on lui demande si réellement il a une information sur la tenue de cette réunion. Après, alors, on essaie de savoir ce qui a été dit, si c'est juste un rapport avec les activités de routine du parti. Ça ne dérange pas. Mais si on parvient à remarquer que ça pouvait porter atteinte à la sécurité de la commune, alors on essaie de chercher des mécanismes d'entente pour que cela ne puisse pas se répéter. Il appelle sa population à éviter de telles réunions et renforcer une communauté sans violence. Mireille Kanyang, et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.